Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Dieu est avec nous cet après-midi. Dis à ton voisin, Dieu est là. Alors tu le regardes bien, tu lui dis, Dieu est là. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur qui fait que nous puissions être là cet après-midi. Et nous sommes convaincus que Dieu nous fera du bien. Et il a déjà commencé à nous faire du bien depuis le début. Et il va continuer à faire du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prendre un temps de prière avant de commencer? J'aimerais que tu puisses prier et dire à Dieu, je veux que tu me touches. Je veux que tu fasses quelque chose dans ma vie. Je veux que tu transformes quelque chose dans ma vie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu peux t'élever ou tu peux t'asseoir, ce n'est pas un problème, mais prie. Si tu parles en langue, parle en langue. Alléluia. Alléluia. Amen. Change l'atmosphère. Change l'atmosphère. Change l'atmosphère. Change l'atmosphère. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Alléluia. Il accomplira toutes ses promesses. Prie le Seigneur. Envers-moi. Alléluia. Oh Rabashata Rabori Rama Santa. Rassure-toi que tu es en train de prier, que tu es en train de changer l'atmosphère, que tu es en train de changer ton environnement, que tu es en train de changer l'atmosphère. Rabo Shata Rabababababababababababa. Oh Rabo Shanda Rabo Shetere Boria Basanta. Gloria Rebo Shata Rabasete. Ebrebo Shindere Bosaka. Eh Seigneur. Seigneur, change mon atmosphère. Change quelque chose dans ma vie. Change quelque chose dans ma vie. Change quelque chose dans ma vie. Change quelque chose dans ma vie. Change quelque chose dans ma vie. Change quelque chose ce matin, ce soir, Seigneur. Ma prière est que tu changes quelque chose ce soir. Que tu changes quelque chose dans la vie de quelqu'un, Père. Manderobo Sakarabababa. Nous chantons Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire. Dieu capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Alléluia. Capable de faire. Alléluia. Chantons, oh Jésus. Il est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Alléluia. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Écoute ceci. C'est qui les a? Dieu est capable de faire ce que tu n'as pas idée. Il est capable de faire l'impossible dans ta vie. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Écoute ceci. C'est qui les a? Quand il descend, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Est-ce qu'on peut se lever? Lève-toi. Quand il descend, tout s'arrête. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a quelque chose qui se passe. Quand il est présent, est-ce qu'on peut chanter tous ensemble? Le terrible enfant. merci parce que tu agis. Fais ce que tu as prévu de faire, Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons ouvrir nos livres, nos Bibles, dans les livres de Nombre 23, le verset 19e. Et sabo makumimbili na tatu kumi na tisa. Nombre 23, le verset 19e. Et sabo makumimbili na tatu kumi na tisa. Nombre 23, le verset 19e. Tunasoma esabu ishirini na tatu kumi na tisa. La Bible dit ceci. Biblia nasema mchungaji anasoma. Dieu n'est pas un homme. Dis avec moi, Dieu n'est pas un homme. Mungu simtu. Dieu n'est point un homme. Mungu simtu. Dis encore, Dieu n'est point un homme. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Amen. La version parole de vie dit ceci. Version parole de vie nasema hivi. Dieu n'est pas un homme. Mungu si mtu. Il ne ment pas. Adanganyaki. Il n'est pas un être humain. Aiko mwanadamu. Il ne change pas d'avis. Abadilishake mambo yake. Quand il dit quelque chose, anaposema neno, il le réalise. Anayatimiza. Et quand il fait une promesse, anapopana ahadi, il la tient. Anaishikilia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous lisez le livre de Actes 7, le verset 35e, Matendo ya mitume 7:35, la Bible dit ceci que Moïse, en parlant de Moïse, la Bible dit ceci que le peuple d'Israël avait posé la question à Moïse de savoir qui t'a établi chef et juge parmi nous. Wana wa Israeli wakamuuliza Musa na kusema nani amekufanya kuwa kiongozi na muamuzi katikati yetu. Qui t'a établi chef et juge parmi nous? Nani aliyekufanya wewe uwe kiongozi wetu na muamuzi wetu? Bien-aimé dans le Seigneur. Mupendwa katika Bwana. Une des premières choses qu'il faut savoir quand on doit être établi, c'est que on ne s'établit pas soi-même. Kitu ya kufahamu ni kwamba unapotaka unaposhimikwa au jishimiki mwenyewe. Il faut que quelqu'un vienne t'établir. Inabidi pawe mtu anaye kushimika. Et les enfants d'Israël connaissaient ce principe. Na wana wa Israeli walijua kanuni hiyo. Quand ils ont vu Moïse venir intervenir dans leurs affaires, ils lui ont posé la question. Walipoona Musa anakuja kusema kuwaokoa, wakamswali. Qui t'a établi? Musa, nani amekushimika? Dis-nous qui est derrière toi. Tuambie nani aliye nyuma yako. Parce que si tu veux régner parmi nous, on doit savoir qui t'a établi. Maana ukapenda kutawala miongoni mwetu inabidi tujue nani amekushimika. Bien-aimé dans le Seigneur. Mupendwa katika Bwana. Il est important que tu connaisses qui t'a établi. Ni ya muhimu kujua yule anayekushimika. Parce que ton succès dépend de celui qui t'a intronisé. Mana ushindi wako unalingana na yule aliyekushimika. Celui qui t'a amené sur le trône. Yule aliyekubeba kwenye kiti cha ufalme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut être il y a trois types de personnes qui peuvent nous établir. Elewa kwamba kuna aina tatu ya watu ambao wanaweza wakatushimike. Un homme peut nous établir. Mwanadamu anaweza kukushimika. L'homme peut établir. Inaweza fikiria mtu anakushimika. C'est comme le président de la République, il a nommé un premier ministre, il a établi premier ministre. Ni kama vile raisi wa nchi anaweka anashimika waziri mkuu. Certaines nominations peuvent t'établir parce que ton directeur peut t'élever à un poste supérieur. Kiongozi wako kazini anaweza kukuweka kwa nafasi ya juu kazini. Un homme peut t'établir. Mwanadamu inawezekana akushimike. Un homme peut t'établir. Mwanadamu anaweza kukushimike. C'est pour cela qu'il est important de prier pour ceux qui sont élevés pour au-dessus de nous. Ndio maana inabidi kuombea wale walioinuliwa juu yetu. Parce que tu ne sais pas par où Dieu peut passer pour t'établir. Maana haujui wapi Mungu anaweza kupitia kwa kukushimika. Ma prière ce soir. Maombi yangu jioni ya leo. Et je déclare que tu es la faveur des hommes. Ya kama wewe ni kibali ya watu. Afin que là où tu passes, qu'il y ait des gens qui puissent t'élever. Upate kibali ya watu ili kama mali poto napita watu wakuinue. C'est comme ça que vous verrez les gens et on ne les aime pas. Ndivyo unaweza kuona watu hawapendewi. Ils disent toujours moi on ne m'aime pas. Mtu anasema mimi wanipendasi. Ça c'est parce que Satan refuse. Il refuse que certaines personnes puissent t'élever. Ni sababu shetani anakataa watu fulani wasikuinue. Mais ce soir victoire, je viens dire au monde des ténèbres, c'est terminé. Les archois auront la faveur des hommes. Partout tu passeras, dès qu'on saura que tu es un archois, on te tendra la main pour t'élever. Et Dieu peut utiliser aussi des hommes pour t'élever. Nous avons vu cela avec notre papa, on a vu cela avec Élie. Qui est allé élever Azaël comme roi de Syrie. J'ai eu comme roi d'Israël et Élisée comme prophète. Samuel a élevé David et Saul. Samuel alimuinua Daudi pamoja na Saulo. Mais bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. Parce que ces derniers temps, les gens ont complètement oublié la responsabilité des hommes de Dieu. Watu wengi wamesahau jukumu watu wa Mungu, wachungaji wanakuwa nayo. Aujourd'hui, on ne respecte plus les hommes de Dieu. Leo watu hawaheshimu watu wa Mungu. Mais ce que vous oubliez, jambo la kujua, c'est qu'il y a des oints ni kama pana wapakali wa mafuta qui peuvent t'établir dans l'esprit. Ça veut dire il peut venir, il prie pour toi. Anaweza kuja kukuombea. Il prie pour toi. Anakuombea. Pour que tu aies une promotion. Ili kwamba uinuke. Et même les entités spirituelles respectent sa prière. Na hata ngazi za roho zinaheshimu maombi yale. Aujourd'hui on critique trop les hommes de Dieu. Leo wanasema sema ovyo ovyo watu wa Mungu. Aujourd'hui on parle beaucoup. Wanaongea mingi. Mais vous ne savez pas. Lakini amjui. Que Dieu a oint certaines personnes. Ya kama Mungu amepaka mafuta watu fulani. Quand il prie pour toi, wanapokuombea, tu seras établi. Na utashimikwa. Tu seras élevé. Utainuka. Bien aimé dans le Seigneur. Upendwa katika Bwana. Archois et archois. Wanamemba wa kanisa letu. Respectons les hommes qui sont établis sur nous ici. Respectons les hommes qui sont établis sur nous. Tuheshimu watu wa Mungu walioheshimikwa mali hapa. Parce que quelqu'un peut prier pour toi. Maana mtu anaweza kukuombea. Il peut déclarer quelque chose. Anaweza kukiri jambo fulani. Tu vas te marier. Ya kwamba utafunga ndoa. Le problème c'est que vous ne voulez pas croire. Hata kama muamini. Il y a l'onction ici. Pana upako hapa. J'ai dit il y a l'onction ici. Nasema pana upako wa Mungu. Parce que si je déclare que tu vas te marier. Nikisema utabarikiwa. Les anges et les ciels vont s'arranger pour faire cela. Na malaika wanayatimiza. Parce qu'il y a quelque chose sur l'onction. Les hommes de Dieu peuvent t'établir. Satan aussi peut nous établir. Dans le livre de Luc 4, Luca ine. À partir du verset 5e jusqu'au verset 7e, 25 adi 6, 7. Satan vient prendre. Il vient prendre Jésus. Shetani anakuja kumchukua Yesu. Il élève dans les hauteurs. Il lui montre tous les royaumes de la terre. Il lui dit, si tu te prosternes devant moi, je te donne toutes ces choses. Satan voulait élever celui qui est la source de l'élévation. Alléluia. Amen. J'étais dans un pays. J'ai rencontré un jeune homme de 21 ans qui était entré dans le franc-maçon et il me dit qu'on allait l'élever tellement haut. Dieu merci parce qu'il y a des gens qui ont prié pour lui, il a été délivré. Il me dit que lui on l'avait recruté pour l'élever, il devait être très haut placé. Satan aussi peut nous établir. Satan peut nous installer sur des trônes. Satan peut installer quelqu'un sur un trône. Mais retenez une chose, c'est que Satan donne est toujours couvert de chagrin. Il te donne quelque chose, mais en contrepartie, tu vas souffrir pour lui. Alléluia. Amen. Dieu aussi peut nous établir. Directement. Directement. Maramoja. Dans Jérémie 1:4, il est dit, Jérémie moja ine. Avant que tu ne sois conçu, je te connaissais. Bele uzaliwe nilikujua. Avant que tu sois formé, je te connaissais. Bele uundwe nilikujua. Je t'avais consacré. Nilikutoa wakfu. Et je t'avais établi. Nilikushimika. Le prophète Jérémie était quelqu'un à qui Dieu avait dit que moi je t'établis. Dieu l'avait établi déjà avant. Nabi Jérémie, Mungu alimwambia kwamba alimshimika tangu mbele. Alors, Bien-aimé dans le Seigneur, une des choses que tu dois retenir, prie pour ceux qui sont élevés au-dessus de toi et fais confiance en Dieu parce que c'est lui qui est capable d'influencer ceux qui sont au-dessus de toi pour t'élever et il est capable de changer ta propre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est établi de deux différentes manières. On peut être établi dans la société, dans ta famille, dans la province, dans ton entreprise, dans différents secteurs. Mais on peut aussi être établi spirituellement. Spirituellement. C'est comme quand on établit des pasteurs. Ils sont établis spirituellement. Et quand on est établi sur ces deux points, il y a les sphères spirituelles qui obéissent à cela. Kuna ngazi ya kiroho ambayo inatii hiyo. Et qui protège celui qui est établi. Na inakinga yule aliyeshimikwa. Alors suivez-moi très bien, je vais en arriver quelque part. Munielewe vizuri. Bien-aimés dans le Seigneur, mupendwa katika Bwana. Très souvent nous avons besoin d'être établis seulement socialement. Mara nyingi tunapendwa kushimikwa kimaisha. Mais le plus important, ya muhimu zaidi, c'est d'être établi spirituellement. Ni kushimikwa kiroho. Parce que lorsque tu es établi spirituellement, sababu kiroho unaposhimikwa, les esprits obéissent à celui qui est établi spirituellement. Roho zinamtii yule aliyeshimikwa kiroho. Et lorsque tu es établi spirituellement, na wakati kiroho umeshimikwa, tu peux influencer les choses et ça se voit physiquement. Unaweza kushawishi mambo na itaonekana kimwili. Mais lorsque tu cherches les choses que tu vois, lakini ukitafuta zaidi mambo unayoona, tu peux le perdre. Unaweza kuyapoteza. Tu peux perdre ton travail. Unaweza poteza kazi yako. Tu peux perdre ton argent. Unaweza poteza pesa. Tu peux perdre ton business. Unaweza poteza biashara yako. Tu peux perdre ton mari ou ta femme. Unaweza poteza mke, mume ama kampuni yako. Tu peux perdre tout ce que nous voyons. Unaweza yote tulionayo unaweza kupoteza. Mais lorsque tu rentres dans la dimension de l'esprit, unapoingia kwa ngazi. Dans l'esprit, on ne perd pas. Parce que c'est l'esprit qui attire ce que nous voyons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu t'établisse spirituellement. Mungu akushimike kiroho. Ce soir, nous allons entrer dans l'esprit. Et nous allons influencer les sphères spirituelles. Tutashawishi mambo ya kiroho. Dans Nombre 27. Ndani ya Hesabu 27. Le verset 15e. 15. Jusqu'au verset 18e. Hadi 18. Moïse a un problème avec Dieu. Musa ana shida na Mungu. Dieu lui dit, tu ne vas pas entrer dans la terre promise. Mungu anamwambia hautaingia kwenye. Il dit, tu ne vas pas entrer dans la terre promise. Hautaingia kwenye inchi ya ahadi. Moïse, tu ne vas pas accéder à la terre promise. Musa hautafikia inchi ya ahadi. Moïse commence à discuter. Musa anaanza kuongea. Dieu lui dit, je vais simplement te faire voir. Mungu anamwambia nitakuonesha. Mais tu n'entreras pas. Lakini hautaingia. Et Moïse dit ceci. Na Musa anasema dans le verset 15e. Mstari wa 15. Il parle à Dieu et il dit. Anasema na Mungu akisema. Il dit ceci. Le Dieu des esprits, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, wa milele aliye Mungu wa roho zote, établisse dans l'assemblée un homme ashimike katikati ya mkutano mtu qui sorte devant eux, qui rentre devant eux, ambaye atatoka na kurudi mbele zao. Pourquoi est-ce que Moïse parle de Dieu des esprits? Kwa nini Musa anaongelea Mungu wa roho? Parce que Moïse connaissait bien le peuple d'Israël. Maana Musa alijua wana wa Israel. Il savait que c'était des gens compliqués. Alijua kwamba ni watu wasiokuwa rahisi kuongozwa. Et Moïse ne traitait jamais avec eux comme étant des hommes comme ça. Na Musa akukua anajadiliana nao kama vile wanadamu kawaida. Moïse savait que ce sont des esprits. La Bible dit en réalité en l'homme c'est l'esprit. Ukweli wa mtu ni roho. Et Moïse savait que si je dois influencer les choses, na Musa alielewa kwamba kama ninaweza kushawishi mambo, c'est au niveau de l'esprit. Ni kwa ngazi la roho. Et il dit ceci. Na nasema hivi. Que le Dieu des esprits, Mungu wa maroho, c'est-à-dire celui qui contrôle les esprits, yule anayeongoza maroho, celui qui contrôle les entités spirituelles, yule anayeongoza ngazi za roho, c'est là que Moïse allait influencer les choses. Ni huko ambapo Musa alikuwa akishawishi mambo. Parce que chaque fois qu'on venait jeter une pierre à Moïse, kila mara walipotaka kumpiga mawe, Moïse courait vers Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un ceci. Que maintenant tu ne vas plus pleurer parce que ton mari sort. Je te demande simplement d'entrer en esprit. D'invoquer le Dieu des esprits. Il va influencer cet homme. Parce que c'est un esprit. Et il faut le faire bouger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai peur d'une chose. Ninaogopa jambo moja. Parce que je me rends compte que ce terme est tellement fort. Sababu naelewa kama mada hii ni ngumu. Je ne sais pas si tu comprends comme moi je comprends. Sijui kama unaelewa jinsi mimi ninaelewa. Parce que nous entrons dans la dimension où on va influencer dans l'esprit. Tunaingia kwa ngazi ambalo kiroho tutashawishi mambo. On va influencer dans l'esprit. Ndani ya kiroho tutashawishi mambo. Peu importe ce qui se passe. Haijalishi yale tunaishi. Mais je vais entrer en esprit. Ntaingia katika roho. Parce que le Dieu des esprits qui m'a établi. Mungu Bwana wa maroho aliyenishimika. Va faire influencer les choses. Atashawishi Bien-aimé, ne regarde plus avec tes yeux. Mupendo, usione mambo na regarde yako. Avec l'esprit. Ona mambo na roho. Parce que c'est là que se passe la bataille. Mana ni uko vita vinafanyika. C'est là que se passe le combat. Ni uko mapambano c'est nafanyika. Là que se passe les réalités de ta vie. Ni uko ukweli wa maisha yako tu ne kuwa. Comprends pas pourquoi ça traîne. Auelewe kwa nini inakawia. Entre en esprit. Ingie katika roho. La Bible dit. Biblia inasema. Daniel a commencé à prier. Danieli alianza omba. Il a commencé à prier. Alianza omba Mungu. Dès le premier jour, il a commencé à prier. Kuanzia siku ya kwanza alipoanza kuomba. La Bible dit que Dieu avait déjà libéré la solution. Biblia inasema Mungu alikuwa ameachilia jibu. Mais il était en train de prier. Alikuwa akiomba. Mais dans l'esprit, il s'est passé des choses. Lakini mukiroho palikuwa mambo yakifanyika. Il s'est passé des choses. Palikuwa mambo. La Bible dit que l'ange qui a été envoyé a été intercepté par l'ange des Perses. Biblia inasema malaika aliyetumwa alifungwa na kuzuiza na malaika aliyemkuu wa Persi. De fois tu es en train de te battre. Kuna mara unapigana. Mais le combat il est spirituel. Lakini vita ni ya kiroho. Recherche l'établissement dans le spirituel. Tafuta kushimikwa kwanza kiroho. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Daniel en train de prier. Il a continué à prier. La Bible dit quand l'ange est venu le voir. Il lui dit Daniel, depuis que tu avais commencé à prier, j'étais déjà en train de venir. Mais j'ai été bloqué. La Bible dit dans Hébreux 12:9 que nous devons nous soumettre au Père des Esprits. Le Père des Esprits, c'est la même chose, c'est Dieu, c'est l'Éternel, le Dieu des Esprits. Ni Mungu wa milele. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, dans Nombre 23 que nous avons lu, la Bible dit que quand vous lisez avant, dès le début du chapitre, ou même le chapitre 22, la Bible dit que Balak est allé chercher Balaam. Alikuenda kumtafuta Balaam. Qui était Balaam? Balaam alikuwa nani? Balaam était un homme, alikuwa mtu, était en fait un prophète de l'époque, alikuwa nabii wa nyakati hizo, qui avait la capacité de prier. La Bible dit quand il fléchissait les genoux, les yeux s'ouvraient. Biblia inasema alipokuwa anapiga magoti macho yake yalikuwa yanafunguka. C'était un homme qu'on allait chercher pour maudire. Ni mtu alikuwa anatafuta ili kwamba laani. Et Balak va le chercher, il dit viens me maudire le peuple d'Israël. Balaki anamwambia kuja kulaani juu yangu wana wa Israeli. Il dit maudis-moi ce peuple. Laani wale watu. Parce que la bataille est d'abord spirituelle. Maana vita ni ya kiroho kwanza. Celui qui arrive à te vaincre spirituellement. Ambaye anakushinda kiroho. Il t'aura physiquement. Na takushinda kimwili. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Balak connaissait ce secret. Na Balaki alikuwa anajua hiyo. Alors Balak qu'est-ce qu'il fait? Balaki anafanya nini? Il prend Balaam. Anachukua Balaam. Il l'amène vers Israël. Anamuleta ndani ya Israel. Il dit maudis-moi ce peuple. Anamwambia laani hawa watu. Mais la Bible dit. Biblia inasema. Que Balaam revient vers Balak. Balaam akamrudilia Balak. Il lui dit ceci. Anamwambia. Quand je suis c'est comme pour lui dire quand je suis entré en esprit. Nilipoingia kiroho. Je me suis rendu compte que le Dieu de ce peuple là. Nikagundua kama Mungu ya wale watu. Ce n'est pas un homme. Haiko mtu. Il n'est pas un homme. Haiko mtu. Il n'est pas de la catégorie des hommes. Haiko kama wanadamu. Moi Balaam. Mimi Balaam. Je suis un homme. Niko mwanadamu. Quand je maudis ça se passe. Nikilaani nafanyika. Mais c'est lui qui les a établis là. Lakini aliyowashimika. Ce n'est pas un homme. Haiko mtu. Il n'est pas un homme. Haiko mwanadamu. Il n'est pas un homme. Yeye si mwanadamu. Bien-aimé dans le Seigneur. Mupendwa. Celui qui t'a établi n'est pas un homme. Yule aliyekushimika si mwanadamu. Il n'est pas un homme. Yeye si mwanadamu. Je suis en train de dire qu'il n'est pas un homme. Ninasema haiko mwanadamu. Balaam lui dit écoute. Balaam anamwambia sikia. La catégorie de ces personnes que je suis en train de voir. Miongoni mwa wale watu niko naona. Il y a quelqu'un derrière eux. Kuko mtu aliye nyuma yao. Mais ce n'est pas un homme. Lakini haiko mwanadamu. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Hapana. Je suis en train de dire à quelqu'un. Namwambia mtu. Que ton Dieu n'est pas un homme. Mungu wako si mtu. Il n'est pas un homme. Si mwanadamu. Il n'est pas un homme. Si mwanadamu. Ce qu'il est en train de faire avec toi. Anayofanya nawe. C'est à la dimension des esprits. Ni kwa ngazi la roho. Dis avec moi, le Dieu des esprits est avec moi. Sema Mungu wa roho ni pamoja nami. Le Dieu des esprits avec moi. Mungu wa roho ni pamoja nawe. Yoka moko ifoko taka kibonzambe. Mara fulani inabidi uingie kwa ngazi za kimungu. Je sais pas, lingala ça sonne bien au lati bonzambe. Unavaa umungu juu yako. Unavaa umungu wako. Colossiens 2:9 dit ceci. Wa Kolosai 2:9. En Jésus. Ndani ya Kristo, il habitait corporellement. Aliishi toute la divinité. La plénitude donc qui bonzambe lata ki Yesu. Ndani ya Yesu Kristo umungu wote ulikuwa ndani mwake. Alleluia. Amen. Ki bonzambe lata ki Yesu. Umungu ulimfunika. Alors quand Jésus marchait, Yesu alipotembea. C'était pas le Jésus chair et os qu'on voyait. Haiko le Yesu wa mwili na nyama. C'était le ki bonzambe qui marchait. Ilikuwa ni umungu uliokuwa ndani ulitembea. Je suis en train de déclarer que maintenant tu vas marcher dans la dimension de ki bonzambe. Sasa tembea kwa ngazi za Mungu. Je dis tu vas marcher dans la dimension de ki bonzambe. Nasema utatembea kwa ngazi za kimungu. Ebongo dokimoka simba yo. Hakuna kitakachokushika. Ebongo likambo moka simba yo. Hakuna kitu kitakushika. Dia ton voisin na lati bonzambe. Ambia mtu unavaa umungu. Dili na lati ki bonzambe. Sema ninavaa umungu. C'est la dimension où Dieu nous amène maintenant. Ni uko ndipo Mungu anatubeba sasa. Quand tu marches, unapotembea. Tu ne marches pas comme n'importe qui. Hautembei kama mtu kawaida. Tu ne marches pas comme quiconque. Hautembei kama mtu yoyote. La Bible dit il y a les uns et il y a les autres. Sababu kuna wamoja na kuna wengine. Mais toi tu seras parmi de ceux-là. Wewe utakuwa miongoni mwa wale. Tu revêtis la plénitude de la divinité. Ambao wamevaa kujazwa na Mungu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Sasa mpendwa. Quand Israël marchait. Israël ilipotembea. Il marchait avec cette divinité là. Walitembea na umungu huo. Et quand Balaam a vu. Na wakati Balaam Il a dit ça c'est pas un homme qui Akasema, peut faire ça. Mtu hawezi kufanya vitu vya hivi. Shabura basaka. Ce n'est pas un homme. Ou si mtu. Il dit ce n'est pas un homme. Anasema si mtu huyo. Il dit il n'est pas un homme pour mentir. Yesi mtu kwa kudanganya. Ce qu'il a dit. Aliyosema. Il accomplira. Ataitimiza. Et ce qu'il a déclaré. Aliyokiri. Il va le réaliser. Ataitimiza. Bien aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Dieu ne travaille pas comme un homme. Mungu atumikake sa mwanadamu. Dieu ne travaille pas comme un homme. Mungu atumikake sa mwanadamu. Un jour. Siku moja. Il y a 2 ans en arrière. Miaka mbili imepita. J'étais en déplacement. Nilikuwa ndani ya safari. Ma femme était enceinte 2017 je crois que j'étais ici. Kumaka 2017 nilikuwa hapa. Et on a travaillé pour le Seigneur. Tulitumika juu ya Mungu, tulifanya Mungu kazi. Mais j'avais un gros problème. Nilikuwa na shida kubwa. Ma femme était enceinte. Mke wangu alikuwa na mimba. Et ma femme était enceinte. Alipokuwa na mimba. Elle est allée à la consultation. Alikwenda kufanya examen. On lui a dit l'enfant que tu portes. Mashindano, wakamwambia mwana unaibeba. Il sera trisomique. Atakuwa trisomique. Trisomique, je sais pas comment on dit ça en swahili. Sijui mkiswahili kama utasema nini ama mfrancais facile. Angaza kizengi. Angeliweza kuwa mtu asiyekuwa kawaida na akili yote. Donc un enfant compliqué bizarre. Angelikuwa si mtu kawaida. Alors ma femme m'appelle. Mke wake akamuita. Elle me dit écoute ce qu'on m'a dit. Akamwambia sikiliza. J'ai dit c'est quoi cette histoire de trisomie encore? Wameniambia hivi. Nikamuuliza ni kitu gani? Oh, l'enfant sera trisomique. Oh, mwana atakuwa ana akili Donc, yote. Madame, c'est compliqué. Ici en France on s'occupe de ses enfants mais est-ce que toi tu sauras vivre avec un tel enfant? Akanyuliza, wewe utaweza kuishi na kisheta kweli? À 4 mois? Kwa miaka 5 mois? Kwa miezi 4 5 On a su que l'enfant était un garçon. Tukajua kwamba alikuwa mwanaume. Alors j'ai dit à ma femme. Nikamwambia mke wangu. Si Dieu nous a donné 2 filles. Kama Mungu ametupatia binti wawili. Et il nous ajoute un garçon. Na natongezea mvulana mmoja. Et puis il fait que l'enfant soit un kizengi. Nafanya kwamba huyo mtoto awe kisheta. C'est que Dieu là vraiment ça vaut pas la peine. Minamaanisha hapana ile mambo. Exactement dit ceci, Dieu n'est pas bête pour nous donner 2 filles et quand il nous donne un enfant c'est un enfant problématique. Et haiwezekani Mungu atupatie binti wawili na aongeze watatu ambao akuwe wa shida. Et vous savez là-bas quand les médecins découvrent quelque chose ils vont harceler pour résoudre le problème. Unajua huko kama muganga anaona shida watafanya haraka ili kwamba wapate chaque jour on appelait mon épouse. Kila siku walianza kumuita mke wangu. Madame, est-ce que vous pouvez passer? Mama unaweza kupita? Un jour elle est passée. C'est comment elle est pita. Elle est arrivée, on l'a amenée dans une salle. Alifika wakambeba kwenye chumba fulani ya matibabu. Il y avait le docteur, le professeur de l'université qui était là. Palikuwa daktari ambaye ni mwalimu kwa university. On a amené un psychologue. Vous savez les gens qui mettent les lunettes ici. Wakaleta psychologue mwenye kuwa na makalashi makubwa. Donc il descend les lunettes ici. Anashusha makalashi kwenye pua. Il te regarde. Anapokutizama. Il te dit madame. Anakuambia mama. L'enfant c'est un kizengi. Mtoto ni kisheta. Ça là tu dois croire. inabidi uyonge. Parce que quand lui dit, tu te dis, mais ce monsieur a dit, il a beaucoup de diplômes. Anaposema, huyo mtu ana macheti mengi. Mais il te dit, moi, nous, azakise. Anakuambia mtoto ni kijeta. Est-ce que tu sauras vivre avec l'enfant? Utaweza kuishi na huyo? On a sorti des photos. Walitosha mapicha. On a sorti des photos. Walitosha mapicha. On dit regarde, il sera comme ça. Wanakuambia oh natakuwa hivi. Regarde, il sera comme ça. Atakuwa hivi. Madame m'a appelé le soir. Mama aliniita, mke alinita. En train de pleurer. Akilia. Et me dit anasema, est-ce qu'on saura vivre avec un enfant comme ça? Tutaweza ishi na mtoto wa hivi? Je lui ai dit ceci. Nilimwambia hivi. Si elles ne veulent pas s'occuper de ça. Kama wao hawapendi kuhusika naye. On va rentrer, on trouvera des gens qui vont s'en occuper. Tutarudi, tutakuta wenye watahusika na mtoto. Madame, après 5 mois on doit avorter parce que là-bas plus, quand tu dépasses 5 mois on n'avorte plus. Wanasema mama kisha miezi 5 inabidi tumtoe, maana miezi 5 ikapita hakuna kutoa tena mimba huko. Nikasema hapana. Quand je suis entré en prière. Nilipoingia katika maombi. Dieu m'a dit. Mungu akaniambia. J'étais en train de prier. Nilikuwa naomba. Il m'a dit Crispin. Ananiambia Crispin. Je ne suis pas un homme. Mimi si mtu. J'ai dit mais Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Nikamwambia Mungu inamaanisha nini? Il m'a dit arrête de réfléchir comme un homme. Akaniambia acha kuwaza kama mwanadamu. Change de niveau. Badilisha ngazi. Bien-aimé dans le Seigneur. Mupendwa. Quand j'ai entendu cela, j'ai dit mais Seigneur, je ne comprends pas. Niliposikia hiyo nikamwambia Bwana sielewi. Depuis que tu me pries comme si j'étais un homme. Akaniambia tangu uko unaniomba ni kama jinsi unaomba mwanadamu. Tu limites mes capacités quand tu demandes des choses. Unafupisha uwezo wangu. Tu me considères comme ton voisin qui peut te donner un 100 francs, qui peut te donner un 200 francs. Je ne suis pas de cette catégorie là. Unaniona kama jirani yako ambaye anaweza kukupatia msaada ndogo. Mimi si kama huyo. Je suis capable de créer quelque chose de nouveau. Ninaweza kuumba kitu. Alors j'ai dit à ma femme, nikamwambia mke wangu, arrête d'aller là-bas. Acha kwenda huko. C'est terminé, n'y va plus. Kuanzia sasa tunamaliza na hiyo. Tous on attend la naissance. Tunachunga mtoto azalike. J'étais ici en train de prêcher. Nilikuwa hapa nikihubiri. Après quand j'ai terminé, il y a un frère de l'intercession qui m'a appelé. Baadaye nilipomaliza kuna ndugu wa kamati ya waombaji. Alikuwa akiishi kaa hapo akaniita. Akaniambia lile lile jambo. Il m'a dit ce que le Seigneur nous a montré. Tazama hiyo Mungu ametuonesha. Et ta femme, et lui ne savait même pas que ma femme était enceinte. Yeye alikuwa hajua hata kama mke wangu alikuwa na mimba. Il m'a dit ta femme, on a vu que ta femme est enceinte et il a donné naissance à un enfant qui était kizengi. Akaniambia tumeona mke wako yuko na mimba na amezaa mtoto ambaye ni kisheta. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Il y a des choses comme ça, ça te fait trembler. Vitu kama hivi vinakutetemesha. Mais aujourd'hui, je réalise que certaines choses il faut côté lango kibonzambe. Na ninaelewa leo kwamba kuna vitu vingine inabidi uingilie ngazi za kimungu. Unavaa umungu wako. Parce qu'il y a des choses qui n'obéissent que quand tu es dans le kibonzambe. Kuna vitu vingine inakuwa kana tini wakati unavaa umungu wako. La chair ici, la chair. Hii mwili. Dis à ton voisin la chair. Ambia jirani yako mwili. La chair nous fait pleurer. Mwili inatulilishaka. La chair te fait voir que c'est impossible. Mwili inakoneshaka kwamba haiwezekani. La chair te fait voir que tu ne vas pas y arriver. Muli na kuambia ka hautaweza. Mais côté lango kibonzambe. Ingilia hayo kimungu. En ce moment-là quand tu es en esprit. Unapoingia katika ngazi la roho. Tout devient possible. Yote yanaanza kuwezekana. Parce que la Bible dit que Dieu pour Dieu tout est possible. Biblia inasema kwa Mungu yote yanawezekana. Alléluia. Amen. Aujourd'hui quand tu vois mon fils. Leo ukiona mtoto wangu. Photocopia papa. Anafanana baba yake. Ananona mafuta. Alléluia. Amen. Photocopie. Ana meremeta kama baba yake. Kando zomona ngabo. Gisu na muona hapo. Yebsa voisin na okota bonzambe. Ambia jirani yako ingia katika umungu. Tika kibomoto, tika kibomoto. Acha kutumika na ngazi za kimutu. Tika kibomoto. Acha umutu. Dili laisse ces choses des humains, laisse ça. Mwambie acha ile mambo ya wanadamu. Tu es un esprit, tu es un esprit. Wewe ni roho. Tu es un esprit. Wewe ni roho. Tu es en train de collaborer avec le Dieu des esprits. Uko naongea na Mungu wa maroho. Entre en esprit. Ingia kwa ngazi la roho. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Onyuka mape mingi. Unateseka siku nyingi. Batungisa ope mingi. Wamekutesa siku mingi. Kweza makambo molimo. Hii ni vitu ya roho. Eza makambo molimo. Ni vitu ya roho. Les esprits dans les cieux entendent. Roho mbinguni wanasikiliza. Parce que le Père des esprits. Mana Mungu wa maro. T'a établi. Amekushimika. Quand le Père des esprits t'établit. Wakati Mungu wa roho nakushimika. Tout ce que tu vas faire. Yote ambayo utafanya. Va marcher. Itafaulu. Parce que lui il va dire aux esprits. Mana yatambia maro. Ça c'est mon établi. Uyu ni mimi nimemshimika. Simba. Mwenye tagus. Ngamoko tata na bino. Na mimi bwana wewe. Na bino botika eh. Ninawaamuru mumwache. Oh, dis à ton voisin entre en esprit. Ambia jirani yako ingia kiroho. Dis à ton voisin entre en esprit. Ingia kwa roho. Dis à ton voisin entre en esprit. Ingia kwa ngazi ya roho. L'église est devenue trop mato, trop physique. Kanisa limekuwa kimwili sana. Trop physique. Imependa bia kuonekana. La Bible dit, Biblia nasema, quand Jairus est venu voir Jésus, Yairo alipokuja kumtizama Yesu. Il dit à Jésus, akamwambia, ma fille est malade. Binti wangu amegonjwa. Viens. Kuja. Jésus a commencé à marcher avec lui. Yesu akaanza kutembea naye. À un moment donné, on est venu le voir. Kwa muda fulani wakaja kumtizama. Baby si yeye mwana nua kufi. Wakamwambia mwanawe amefariki. Sika rotungisa maître, mwana nua kufi. Acha kumsumbua Bwana Yesu mwana wako amekufa. Mambo imekwisha. Mais le père des esprits lui dit. Bwana wa maroho akamwambia. Ne t'inquiète pas. Usiogope. On y va. Tunakwenda. La Bible dit, Biblia nasema, quand il est arrivé, alipofika, il a trouvé dans le village les gens en train de pleurer. Alikuta katika kijiji watu wakilia. Ça veut dire que le médecin du village était déjà passé. Inamaanisha mganga wa kijiji alikuwa amepita. Docteur du village était passé. Yule daktari wa kijiji alikuwa amepita. Il a baissé les lunettes ici. Akashusha makalashi yake hapa. Il a regardé la femme de Jairus. Akamwona mtoto wa Yairo. C'est terminé. Akasema imekwisha. Mara nyingi tunapenda kusikia bitu ya dunia. On est trop dans la chair, on est trop dans la chair. Mara nyingi tunatumika mkimwili. Madame. Mama. Ta fille. Binti wako. C'est terminé. Amekufa. Tu vas à Île Africa. Unakwenda kwenye Île Africa. Docteur, je ne sais qui là-bas. Docteur fulani. To bananga mama nanga Marlène. Mama Marlène. Docteur Marlène Natalio. Docteur Marlène nakutizama. Madame. Mama, tu as le sida. Uko na ukimwi. Oke kuna batalio. Unaenda huko bwana kuona. Babi msielewe examen. Wanakupitisha kwenye mashindano. Babi kana yoyo. Wanakuambia hii jambo yako. Rien à faire. Hakuna cha kufanya. Webi ezara batu msusu. Kuna watu wengine. Okoti hospital, okoti na bureau ya médecin. Unafika katika office ya daktari. Acha diploma na na sima. Anaacha cheti yake kule kukibambazi yani ya, bandika na university de alisoma kama university moja kubwa erotali unapona moko unajiona hobiawa unasema hapa diploma kai soloba diploma yake cheti yake upeke nasema Yesu akomi Yesu alifikiria aisi bango boni la poani akamwambia mnalia juu ya nini je suis en train de voir des gens lui dire. Mais le médecin du village a dit c'est fini, elle est morte. Naona watu wakimwambia mganga wa kijiji alisema imekwisha. Appeler les oncles, appeler les cousins, bon cotiser, on l'amène à la morgue et puis on va l'enterrer. Tufanye mchango tuende kumuzika. Yesu alobi. Yesu akasema. Arrêtez. Simamisha yo. Sortez. Mtoke hapo. Car l'enfant dort. Wakati mtoto analala. Uzoka kibonzambe ndengezala. Unasikia umungu. Soko zana kibonzambe. Wakati unavaa umungu. Ozane timutaliboma. Huko kama vile kichaa mwenda wazimu. Biloko batbaona na miso ya kibomoto. Autona mambo na mecho ya kimutu. Ya kimutu. Na hili batisu ba ukomprende. Nganalo bana munoroni ni nzambe. Niseme na muluga gani juu mwelewe jama. Niko sabu nyelewe. Biloko yozo mwona na kibomoto. Yote mboko naona mecho ya kimwili. Me yoza na kibonzambe. Wewe una umungu. Jesus dit elle dort. Yesu akasema analala. Baba njo sekae. Bakaanza kumcheka. Bao sekae. Bakamcheka. Bai bateke nzambe nde alati bonzambe place wana. Awa kujua kwamba ni Mungu ndiye amevaa umungu hapo. Je vois la femme de Jairus en train de pleurer à ma fille. Naona mke wake na Yairo akilia binti wangu. Binti wangu. Jésus entre. Yesu anaingia. Yoka nde bonzambe zala. Sikiliza gisi umungu natumika. Atele misi mwana. Akasimamisha mtoto. Aye bisa bango. Anawambia. Bwebi sa mtute. Musi mwambie mtu. Village mwambie au courant que l'enfant est mort. Kijiji kilijua kwamba mtoto amekufa. Toi tu l'as ressuscité. Wewe umemfufu. Et puis tu me dis de ne dire à personne. Kisho niambie nisiambie mtu. Sio mwana ngo toko bomba yeo toko sala ndeni. Huyu mtoto tumufiche ama tufanyaye. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. En fait Jésus était en train de leur dire. Yesu alikuwa akiwaambia hapo. Biloka kibonzambe kabwanarana bato bazaba tamisote. Les choses divines là. Mambo ya kimungu. Ce n'est pas à partager avec les gens qui sont dans la chair. Awaipatiake watu walio kimwili. Ce n'est pas à partager avec les gens de la chair. Awaipatiake watu walio kimwili. Vous avez vécu les choses de l'esprit. Ninyi munayo vitu vya roho. Marchez maintenant avec les choses de l'esprit. Na mutembee nayo mambo ya kiroho. Et je vois la femme de Jairus. Namona mamuke wa Yairo. En train de se balader avec sa fille. Akitembea na binti wake. Wewe bo kanseka kufie. Walimulizania na kufa. Bo kanseka kufie. Mulizania amekufa. Mwana na ngaye yo. Sio huyu. Et je vois quelqu'un vient lui dire. Namona mtu anakuja kumwambia. Asiku ndenge nini? Aliramuka yeye. Ah, esabo nzambe. Ni Mungu ndio umefanya kazi. Mungu umetumika. Ni kazi ya Mungu. Que le Dieu des esprits. Mungu wa maro. T'établisse. Akushimike. Là où les gens te voient avec les yeux. Wengine wanapokuona na macho. Maintenant ils ne te verront plus. Hawatakuona tena. Parce que tu nages dans les sphères des esprits. Maana utaanza tembea kwa ngazi ya roho. Le Père des esprits. Na Bwana wa maro. Il contrôle toutes choses. Anayeongoza kila kitu. Il marche avec toi. Anatembea na wewe. Dis à ton voisin Kota Bonzambe. Ambia jirani yako ingia katika umungu. Mama. Yokanga na ebisao. Sikiliza nikwambie. Quand j'ai compris ces choses. Nilipoelewa mambo haya. Je suis venu ici. Nilikuja hapa. J'ai entendu le pasteur prêcher. Nilisikia mchungaji akihubiri. J'ai entendu notre papa prêcher. Baba yetu alihubiri. Naanza kuondia na zoyo kama kamunzamba za roho ebisanga liboso. Ni kama kisi nilikuwa nikisikia mambo ambayo Mungu alikuwa ananiambia. Maintenant je comprenais ça beaucoup plus clair. Nilikuwa naielewa sasa vizuri. Un jour j'avais quelqu'un chez moi à la maison. Siku moja nilikuwa na mtu nyumbani. Jour moko tofandi na madame. Siku moja tunakaa pamoja na mke wangu. Kisibiso pasi. Kasikia uchungu. Jour moko il y avait quelque chose, on était tellement fâché. Tulikuwa tumesirika sote. À un moment donné, muda fulani. Je dis non, ce n'est pas normal. Nikasema hapana haiwezekani. Ça c'est chez moi. Hapa si ni kwangu. Oh ndaku nanga. Hii ni nyumba yangu. Nga na nzambe ah. Mimi ndio Mungu hapa. Yoko ya umone langa te pa nanga. Sasa wota kwa kunyonea kwangu wae. Je dis bon OK, fanana. Nikasema ika. Afandi. Akakaa. Na zui kiti na fandi liboso ya fandi boy. Nikachukua kiti nikakaa yeye alikuwa anakaa mbele. Na FC yo, wewe binga. Nikamwambia wewe unanijua? Toi tu me connais. Unanijua? Toi tu me connais. Wewe unanijua? Tu sais d'où je viens. Unajua mimi natoka wapi? Est-ce que tu sais d'où je viens? Unajua mimi natoka wapi? L'enfant ne comprenait pas. Mtoto alikuwa elewe. Mke wangu alikuwa elewe. Ongea sina lata ibonzambe na tangu wana. Hivyo ndivyo nilivaa umungu. Je dis tu ne peux pas venir chez moi et créer le désordre comme ça. Nikasema hautakuja kwangu na kuleta disorder. Alors dis-moi c'est quoi ton problème? Niambie shida yako ni gani? Nika komika. C'est quoi ton problème? Akabaki hapo. Je dis OK on va prier. Nikasema tutaomba. Na yeka ka frère. Na simbie ka boy. Nilimugusa tu. Non kaka. Je vais sortir. Ananza lalamika nitatoka. Nitatoka. Bima. Na mimi nikasema toka. Toka. Wende. C'est ça, toka. Toka. Eh. Wende zako. No toka. Toka. Toka ndeza na moi puissance. Toka. Toka pale. Eh. Bien aimé dans le Seigneur. Mupendwa katika Bwana. Yoba mone la kona ndaku nao. Wewe biko na kuonea mwako munyumba. Comment on peut te mone la dans ta maison? Je batakuonea munyumba yako. La tabo nzambe. Va u Mungu. Kote lango na molimo. Ingia mandani ya kiroho. La Bible dit. Biblia nasema. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Atupigane na nyama na damu hii. Mais yo linga, tu veux te battre avec les gens. Wewe unapenda kupigana na watu. Tu commences à menacer les gens. Unaanza kusumbua watu. Écoute, ça n'a aucun effet. Aina matokeo. Aucun effet. Hakuna matokeo mazuri. Kota bonzambe. La Bible dit nous avons lutté contre les dominations. Biblia nasema tunapigana na ngome za roho. Contre les puissances. Na nguvu za giza. Bangole bachara biso bakali. Wale njoo wanatufunga funga. Ton oncle, ton mari ou ta femme ou non, ça n'a rien à voir. Aiko mjomba shangazi mdogo yako hapana. Jésus a dit ceci à Pierre. Yesu alimwambia Petro hivi. Pierre commença à dévier. Petro alianza kuponyoka pembeni. Jésus lui dit arrière de moi Satan. Yesu akamwambia pita nyuma yangu shetani. Jésus ne parlait pas à Pierre. Yesu akongea na huyo mtu Petro. Il parlait pas à Pierre comme ça. Akongea na Petro. Il parlait à Pierre les démons qui étaient en train d'agir derrière. Aliongea na huyo pepo aliyekuwa nyuma ya Petro. Meyo zawana obengani mwana. Wewe uko hapa. Tu as chassé l'enfant. Umefukuza mtoto. Tu as chassé ta mère. Ulifukuza mke wako. Maman abotayo. Obenganiye. La mama qui t'a mis au monde. Mama aliyekuzaa. Tu le chasses. Unamfukuza. Ton papa tu le chasses. Baba yako unamfukuza. Oh azandoki. Oh ni mchawi. Tu n'as rien compris. Haukuelewa kitu. Tu n'as rien compris. Dis à ton voisin tu n'as rien compris. Mwambie jirani yako hakuna kielewa. Tu n'as rien compris. Écoute, tu es établi. Umeshimikwa. Kota molimo. Ingia katika ngazi la roho. Dans la piscine de Bethesda. Dania kisima cha Bethesda. Ce jour-là, Yosiko. Cet homme de 38 ans malade. Il n'avait pas 38 ans, mais il a fait 38 ans de maladie. Jésus vient le voir dans sa divinité. Il lui dit, veux-tu être guéri? Aucune explication. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Et quand même je me jette dans la piscine, j'arrive en retard. Nous approchons Dieu avec des explications. C'est toujours explication. La question est simple. Veux-tu être guéri? Mais toi, tu es là avec des explications. Seigneur, le médecin a dit. On m'a dit ceci. Le médecin m'a dit c'est impossible. On a fait entrer beaucoup de choses de ce monde. Mais Arche est entré dans la dimension de la divinité. Arche iko nengia mungazi la umungu. Yoka. Sikiliza. Sijua kama kono na kile ambacho mimi niko naona. Je sais pas. Jésus lui dit. Yesu anasema. Jésus n'a même pas répondu à ces explications-là. Comme pour dire, ah, vraiment, on t'a abandonné. Ton mari est parti. Tu es resté seul. Umebaki mwenyewe. Yesu ayebisiye kaka. Yesu alimwambia tu. Tika koloba. Acha kulia. Prends ton lit. Chukua kitandako. Lève-toi. Simama. Bima libani. Na uende zako. Écoute. Sikiliza. Les choses de l'esprit. Mambo ya roho. Quand tu comprends. Ukiyaelewa. Tu vas marcher aussi simplement. Utatembea na uraisi wote. Alléluia. Amen. Aussi simplement. Na uraisi wote. Bako tungisa yote. Hawata kusumbua sumbua. Ndako eza ndako na yo. Nyumba ni nyumba yako. Mobali aza mobali na yo. Ule bwana ni bwana yako. Mwasi aza mwasi na yo. Ule muke ni muke wako. Bana baza bana na yo. Watoto ni watoto wako. Musala aza musala na yo. Kazi ni kazi yako. Alléluia. Amen. Est-ce que tu goko ta bonzambe? Tunauza kuingia ndani ya umungu. Est-ce que tu goko ta bonzambe? Tunaweza kuingia katika ngazi la kimungu. Est-ce qu'on peut entrer vraiment dans ça? Jamani tuingie humo. Telema. Simama. Lève-toi s'il te plaît, lève-toi. Simama tafadhali. Colossiens 2:9. Wa Colossae 2:9. Si on peut nous le remettre. Melia. Colossiens 2:9. Wa Colossae 2:9. Un jour, je crois, j'en ai déjà parlé ici. Nimesha kusema hapa siku moja. Dans Exode 7:1. Ndani ya kutoka. Dieu dit à Moïse, Mungu anamwambia Musa, je te fais Dieu na kufanya Mungu devant Pharaon. Mbele ya Farao. Donc nzamba kotisake na kibonzambe. Mungu alimuingiza katika parce que Pharaon tu peux pas marcher devant Pharaon comme un homme. Auzi tembea mbele ya Farao kama mwanadamu. Quand on a étudié l'histoire, on a dit que Pharaon était Dieu. Tuliposoma historia walikuwa nasema Farao alikuwa Mungu pa Misri. C'était une divinité qu'on adorait. Alikuwa kiungu Mungu mdogo ambaye walikuwa kiabudu. Donc ce combat là était perdu pour Moïse en tant que chair comme ça dans la chair. Musa kama vile mwanadamu kawaida angelishindwa vita. Et Dieu le savait. Na Mungu alijua. Dieu a dit à Moïse. Mungu akamwambia Musa. Nazo matiso na niveau nanga. Niko na kupandisha katika ngazi langu. Bitumbo za bitumba ya banzambe. Maana ngazi hili ni ngazi la Mungu. La Bible dit j'avais dit que vous êtes de Dieu. Biblia nasema nilisema mko wa Mungu. Mais vous êtes en train de mourir comme des hommes. Lakini mko na kufa kama wanadamu. Quand Dieu l'a élevé comme ça, Mungu alipomuinua. C'est là que les 10 plaies ont commencé. Hapo ndipo mapigo zilianza. Moïse venait seulement. Musa alikuja. Il commençait à parler. Na kuanza kuongea. Que l'eau s'échange en sang. Maji igeuke damu. Et ça obéissait. Na ilitii. Il a dit qu'il y ait des poux. Alisema pawe machawa na zilitii. Il a envoyé des sauterelles, ça obéissait. Alituma ma senene na zilikuja. Cherche la divinité. Tafuta umungu. Entre dans les choses de l'esprit. Ingia ndani ya ngazi la roho. La Bible dit de Jésus. Biblia inasema kuhusu Yesu. Que lui habita corporellement. Ya kama ndani mwake. Toute la plénitude, c'est pas une partie. Umungu wote uliishi. Ce n'est pas une partie. Ce n'est pas une portion. C'est toute la divinité qui était en Jésus. Maintenant, c'est Jésus là. Il est en toi. Il est au-dedans de toi. Ce qu'on dit, mais là, Yesu. Tu m'entends? Bon, est-ce qu'on peut influencer les choses dans l'esprit? Parce que c'est là que se trouve notre bataille. Et c'est là que Dieu est en train de nous élever. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tu es plus grand. Vous connaissez la chanson, non? On va la chanter. Tout à imba. Et quand tu la chantes, una poimba, dis simplement, c'est ma tour. Dieu, tu es plus grand. Mungu ukomku. Que tout ce que moi je peux imaginer. Juu ya yote ambayo naweza kufikiria. Parce qu'il est capable de faire au-delà de ce que toi tu penses. Anaweza fanya zaidi ya yale ambayo wewe unawazia. Tout se passe dans ta tête. Yote ndani ya kichwa yako. Tout se passe dans ta tête. Yote liyo kichwani mwako. Tout se passe dans ta tête. Yote napitika ndani ya kichwa chako. Tout se passe dans ta tête. Yote nafanyika ndani ya kichwa chako. Tu as limité Dieu dans ta tête. Ulimfanya Mungu awe mdogo ndani ya kichwa chako. Tu as mis Dieu dans un cercle dans ta tête. Ulimweka Mungu ndani ya Alors écoute-moi. Nous allons prier. Nous allons chanter. Tout à imba. Et quand tu sens que quelque chose se passe, viens seulement prier ici devant. Ne reste pas là devant. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors évite la distraction du voisin. Parce qu'il y a quelque chose ce soir. Tu parles en langue, commence à parler en langue. Alors que la chorale est en train de chanter. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent. Pour que je te voie tel que tu es. Amène-moi au jour des temples qui me montrent ta grandeur. Le ciel, la terre, tu vis debout, décris toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je vois ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la tonne d'illusion que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand que tout splendide ici-bas. Tu es plus grand que le monde du dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais. Oh, commence à prier, commence à prier. Mando Provo Sakara Baba Baba Baba. Entre en esprit, entre en esprit, entre en esprit. Marebo Shatara Baba Baba Baba. Gloria Rebo Sante Rebo Shete Rebere. Irakaba Shantara Bo Saka. Gloria Rebo Shete Rebo Riamandere. Irekeke Yabo Shete Rebo Sa. Eramo Santara Baba Baba Baba Baba. Oh Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, en moi se trouve la divinité, la plénitude de la divinité. Résous ce problème en esprit. Résous ce problème en esprit. Résous ce problème en esprit. Réa mama mama mama chende rebo saka. Ora bo shata la ba ba ba ba ba ba ba ba. Rebo shita la bo sende rebe. Écoute ceci. Écoute ceci. Il y a des choses qui te dérangent en esprit. Maintenant, tu vas entrer en esprit. Parce que le Père des Esprits est avec toi. Tu vas commencer à parler à ce problème-là en esprit. Bien-aimé, commence à élever ta voix. Cette femme-là t'appartient. Ton mari, c'est ton mari. Tes enfants, c'est tes enfants. On ne peut pas s'amuser avec toi comme ça. Entre en esprit. Entre en esprit. Entre en esprit. Entre en esprit. Entre en esprit. Parle. Parle. Parle. Hey, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma

Bien-aimé, mon pendoa, lève-toi, nous élevons nos mains. Si mon maman le lipote nyoche mikono yeto. Mets-toi debout, lève tes mains. Unaweza kusimama. Tu es différent aujourd'hui. Umekuwa mtu mwingine leo. Parce que le Dieu des esprits. Mana Bwana wa maroho. Il t'élève spirituellement. Iko na kuinua kiroho. Dis avec moi, je suis différent. Sema pamoja nami niko tofauti. Dis encore, je suis différent. Niko tofauti. Je suis différent. Niko tofauti. Je suis différent. Niko tofauti. Parce que je suis avec le Père des esprits. Sababu niko na Bwana wa maroho. Parce que je suis avec le Père des esprits. Sababu niko na Baba wa maroho. Parce que je marche avec le Père des esprits. Natembea na Baba wa maroho. Dis encore, je suis différent. Sema niko tofauti. Je suis différent. Niko tofauti. J'ai changé. Nimebadilika. J'ai changé. Nimebadilika. J'ai changé. Nimebadilika. Alors tu es en train de dire ça, tu t'adresses aux démons. Dis-leur, j'ai changé. C'est mani me badilika. J'ai changé. Vous avez longtemps joué avec moi. Vous avez longtemps joué avec moi. Vous avez longtemps joué avec moi. Vous avez joué avec ma vie. Maintenant j'ai changé. J'ai changé. Je suis établi en esprit. Je suis établi en esprit. La divinité habite en moi. La divinité habite en moi. Che probo saka baba. Hey boshinda rabo sata. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hey, amandere boshenderi abara boshataraba. Que ta présence. Que ta présence en moi devienne rien. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Hey, abashete rebo saka. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Répétons seulement cette phrase. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Encore, que encore, chantons. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Fais une autre dimension de toi. Chante, chante, chante. Que ta présence en moi devienne réelle. Jésus. Que ta présence en moi devienne papa. Ta divinité. Fais une autre dimension de toi. Je le fais, je le demande. Ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Ta divinité. Que ta présence en moi devienne réelle. Jésus. Je veux une autre dimension de toi. Prends prière de quelqu'un ce soir. Que ta présence en moi devienne réelle. Yahweh. Que ta présence en moi devienne papa. Yahweh. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de la dimension de gloire, la puissance, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. C'est ma saison. Il te transforme. toi. Que devant ces lèvres dans l'assemblée le chant ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Encore une fois. Ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Oui, pour voir qu'on a des moins goûts, il est quoi. Oui, pour voir qu'on a des moins goûts, on s'est goûts soir.